Si elle décroche, ma Julie. Allô, oui. Tu gagnes ton enceinte et quoi, Amazon? C'est non. Bravo ma Julie, en espérant que ça fasse renaissance Sylvain. Ça c'est pas sûr. C'est pas sûr. Ouais. T'es contente ma Juju, t'habites où? Contente. Moi j'habite à Mantes-la-Ville dans 78. Ah ben écoute, on embrasse Mantes et on te fait plein de bisous Julie, ok? Merci beaucoup, en tout bonne cas année. C'est super, restez comme vous êtes, bonne année, meilleurs vœux. Merci. Et merci encore. On t'aime, hein, Julie. Profite, raccroche pas, on va prendre tes coordonnées. Allez, on continue, les amis. Et oh, j'ai un coup de fil.